Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour Doug. Bonjour. Bon, que encore une fois, ça va être une classique Doug, il s'est pas réveillé. Il est pas là. Alors peut-être... Il fait le lundi de Pâques, il fait le pont. Exactement, peut-être on aura une surprise hein, dans la journée, peut-être qu'il nous répondra, hein, on ne sait pas, qu'il nous rejoindra. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril, c'est le lundi de Pâques. Bonne fête Pascal. Allez chercher. J'espère que vous êtes allé chercher des œufs en jardin. Nous, on a juste mangé les œufs. Alors, pas de journée internationale aujourd'hui, à part le lundi de Pâques. Hein. On souhaite une très bonne fête au Ida. J'en connais pas personnellement. Il n'y a pas de dérivé, il n'y a rien. Juste non, Ida. Il y avait écrit Ida. Hidalgo. C'est un nom composé, Anida. Anida, go. Oh ben ouais, vous êtes pas beaucoup d'auditeurs, on fait bien ce qu'on veut. Ouais, puis c'est faire rien en même temps, donc on n'était pas obligé de bosser. On fait le minimum. Moi je devais bosser d'ailleurs ce week-end. Ah, je devais bosser. Payé double aujourd'hui, dimanche, payé lundi. Double du coup. Pas payé double du tout. Ouais, bah scandaleux. Heureusement qu'on est payé double à la radio des bons cons. Hein. Ouais. Alors Jean-Jean nous dit Ida Kahlo. Ah putain, mais cherchez, je savais bien qu'il y avait un truc avec du mono-sourcil à faire. Alors, bah écoutez, aujourd'hui, bonne fête Anne Hidalgo. Oui, merci, perfect Stiffon, je la trouve particulièrement de qualité cette blague. Ouais, j'aurais dû travailler, donc je suis plutôt contente du confinement, parce que j'aurais dû me faire un week-end de 3 jours, là. Et ça aurait été compliqué. Alors, aujourd'hui, bah, éphéméride, hein, comme tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril. Alors, ça s'est passé un 13 avril. 13 avril 1946. C'est le vote de la loi Marthe Richard qui ordonne la fermeture des maisons closes en France. Mmh. Voilà, ça date que de 46. Oui, mais on préfère largement les réseaux illégaux qui font de human trafficking derrière. Oh. Voilà, on peut en parler. Tu veux qu'on fasse un débat ? Alors ce matin, sur la prostitution. Disons que si, enfin, moi je suis pour dépénaliser pas mal de choses à partir du moment où on met un cadre, on peut gérer pas mal d'autres trucs. Il y a des pays où en fait il y a ça et elles sont syndiquées et ça permet d'en faire plus. Quelque part un choix, même si non, bah, je sais pas, c'est compliqué parce que c'est un choix, mais au sein d'une société patriarcale, c'est vraiment un choix. Non. La question peut se poser. Exactement. Mais néanmoins, ça fait vachement marrer de voir. Elles sont pas dans la rue, elles sont bah, pas... C'est ça, quand tu vois que Bruce Paul Bellamy, on en parlait l'autre fois, c'est ouais. que des femmes qui parlent pas français, qui viennent visiblement un peu du même coin et qui ont pas l'air d'être très libres de se retrouver à cet endroit-là. Ouais, donc. Ouais. Donc, c'est débattable et nous devons en débattre. C'est pas ma cape, je suis d'accord avec le Kéman. Mais oui, on est d'accord. Tout arrive. Bon, j'imagine que c'est pas sur la globalité de ce que j'ai pu dire dans cette émission, mais en tout cas sur ce point-là. Et c'est déjà pas mal, retrouvons-nous sur ce point-là. 13 avril 1953. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent cette date, pourquoi ce serait aujourd'hui en particulier, mais je vous le dis quand même parce que allez vous renseigner, c'est très drôle. Le directeur de la... Enfin, c'est très drôle, c'est pas très marrant, hein, mais... Enfin, c'est intéressant. Le directeur de la CIA, Allen Dulles, lance le projet MK Ultra de manipulation mentale. Ah putain, ça c'est les prises de LSD, ouais, en scred. Exactement. Donc, quand j'ai essayé de chercher d'où il sortait cette date du 13 avril, bah, du coup, j'ai lu plein de trucs là-dessus, je me suis dit, bon, je dis quand même, parce que même si on sait pas trop pour cette date-là, ça vous fera l'occasion d'aller regarder, je répète, le projet MK Ultra. De manipulation mais mentale. Mais ça reprend déjà les projets nazis, hein, qui étaient de faire des Ubermenschen. Et il faut savoir que la CIA, ils ont quand même testé à leur insu certains de leurs agents, leur mettant des petites doses de LSD quotidiennes dans leur gobelet. Ils ont tenté si bien qu'il y a quand même un agent qui s'est défenestré. Et il y a aussi une théorie là. Il y a aussi une théorie sur le village. Alors je sais plus c'est quel village là, vous savez qu'il y a eu une espèce d'hallucination collective. Alors on dit que c'est l'ergot de seigle peut-être, mais il y a aussi des théories qui disent comme quoi la CIA les aurait testés. Ouais. Voilà. Alors pour le mec qui s'est jeté par la fenêtre là. En fait, il y a eu une autopsie récemment, apparemment, qui montrerait qu'il serait pas défenestré. Enfin, il aurait été défenestré, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est très intéressant. Allez-y, allez regarder, projet MK Ultra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, 13 avril 1964, Sidney Poitier est le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Lise des Champs. Après, il est venu s'installer dans le Poitou-Charentes et il a créé sa petite ville, pépouse le mec. Et puis après, il a été en Australie. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont jumelées les deux. Enfin bon. Ouf. Oh là là. Oh. Bah, le mec s'appelle Sidney Poitier, quoi. C'est comme si je m'appelais New York Angoulême. Tu vois, il y a quand même un contraste de ouf, quoi. Donc voilà, 64 hein, pour les États-Unis, premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, je crois qu'en France, et peut-être que Hubert Félix Stiffon m'arrêtera si je me trompe, je pense qu'en France, son équivalent, c'est Omar Sy, en 2011. Ouais, on n'est pas obligé. Avec vif, hein. Intouchable. Voilà. Ouais, par contre, les Césars. Non, les Oscars, ils ont aussi niqué les Césars pour récompenser des pervers. Et des gens peu fréquentables sexuellement. Ah bah bien sûr, Harvey Weinstein, il a été... Autant pour moi. Non mais les Américains, toujours une longueur d'avance. Hein. Là, nous, il faut attendre 2020 quoi, pour récompenser un... Exactement. Un violeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Alors, eh ben, 13 avril... Ah bah si, ça c'est cool ça. 13 avril 1970. Enfin, c'est cool. Explosion du réservoir d'oxygène du module de service de la mission Apollo 13. Vous voyez le début du film Apollo 13 avec Tom Hanks? Bah voilà, ça se passe en 13 avril 1970. Alors peut-être en hommage, rematez-vous Apollo 13. Un bon gros... Mais elle s'appelait vraiment Apollo 13 la mission? Je croyais que c'était juste le nom du film et que la mission elle s'appelait pas comme ça. Non, c'est Apollo 13. Ok. Bah c'est le nom de la navette et du coup le nom ouais. De la... Je me demandais si la NASA ils avaient pas sauté le numéro 13 pour, par superstition. Et bah depuis ils le font je crois. Ok. Et puis sinon, 13 avril 1977, c'est l'enlèvement du directeur général de Fiat France, Luchino Revelli-Pomon. Il a fini comment? Il a été enlevé pendant genre 2 mois et demi, séquestré pendant 2 mois et demi, et apparemment, c'est hyper louche cette histoire-là, apparemment ça serait une espèce de merde, comment on dit J'ai pas l'info. Un problème, non, un conflit, pardon. Un conflit entre la mafia italienne, donc et la mafia argentine. Mais pas sûr non plus, donc pareil, okay. Si vous voulez aller voir sur... Le mec lui a dit, arrête de faire des bagnoles de merde. Et le mec s'est vengé, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il a fait la Fiat Multipla. Et les mecs étaient là, oh le bâtard, il nous a ken. Du coup, assez rigolo quand même. Oui, enfin, ça dépend du point de vue, j'imagine. Enfin, rigolo. Moi, je trouve que c'est pas mal, cet éphéméride, 13 avril, il s'est passé des trucs, quoi. Ah, le bruit des oiseaux en fond sonore fait trop plaisir. Ah ouais, pour parler prostitution, on a vaguement lancé le débat, mais alors, c'est pas Macam nous recommande d'aller suivre le compte Insta d'Océan, ça s'écrit comme l'océan. Oui, Océan. Donc, allez-y, et nous irons. Et alors, apparemment, notre conversation de ce matin fait étrangement écho au rêve d'Ophélie Soulard. Oui. Elle dit « J'ai rêvé que j'étais en cours d'allemand et que je devais écrire un petit texte sur ce que les prostituées doivent avoir. » Doivent avoir. En allemand. Ok. Tout à fait logique. Préservative. Quant au feu de salade. Ok. Je le dis goût. Coucou, ist eine Papagei, Frank. Vous, ist eine Papagei. On s'est tous dit perroquet en allemand, c'est... Ça ne nous servira jamais, sauf si on veut aller... Comme un femme Frankreich. On pourra aller au Tiergarten de Berlin, voilà. Alors, aujourd'hui, il y a des anniversaires. Alors, si vous êtes né le 13 avril, je pense par exemple au fils de Margot, ma pote, qui s'appelle Elliot, fête son anniversaire, il a 3 ans. Eh bien, il partage son anniversaire avec Catherine de Médicis. Alors quand même, Catherine de Médicis, si vous n'avez pas la ref, je suis désolée de vous dire que vous êtes nulle. Reine de France, régente, mère des rois. Jugement. Ouais, pardon, mais Catherine de Médicis, quoi. Donc, tout le monde n'a pas fait une fac d'histoire, hein. Je pense. On peut informer dans la bienveillance nos auditeurs. Je vais vous expliquer qui elle est, Catherine de Médicis, parce que c'est une grande figure du XVIe siècle, et c'était une femme forte. Et forcément, en tant que femme forte à l'époque médiévale, même un peu plus bas Moyen-Âge, donc du coup, le 16e siècle, Renaissance. j'ai du mal à concentrer. Qu'est-ce que je disais ? Oui, Catherine de Médicis, grande figure parce qu'elle a été reine de France, elle a été régente aussi. Ah, je pensais qu'elle était juste restée à Florence, Pépouse, en étant les plus gros. Et en fait, elle a été bien détestée par beaucoup de membres de la cour, puisqu'elle suscitait de la jalousie, étant donné qu'elle avait du pouvoir et que c'était une femme. Et donc, évidemment, pour l'époque, les deux n'étaient pas compatibles, puisque société patriarcale et religieuse oblige. Et donc, c'est la mère de plusieurs rois de France, parce que les rois de France sont tous morts les uns après les autres, donc elle a été régente. Elle a été la mère de François II, de Charles IX et de Henri III, et elle a été mère de deux reines, donc sa fille Élisabeth, qui était reine d'Espagne, et Margot, la reine Margot, je sais pas si vous voyez avec Isabelle Adjani. C'est quoi, c'était une régente pendant que son fils est l'âge adulte? Et ben en fait, son mari, j'ai oublié son nom, est mort assez jeune. On va l'appeler Pedro pour le vérité. Oui, Pedro roi de France, oui. Et donc après, ses enfants étaient trop jeunes pour gouverner, donc elle a été régente. Et c'est pas ma qui me dit, c'est Cersei Lannister en fait. Ah. En gros, c'est ça, mais en moins chelou quand même. Bah ça on sait pas, on était pas là pour la voir. Et non mais elle a eu plein d'enfants, je sais plus combien d'enfants elle a eu, mais vous pouvez lire, si vous tapez Catherine de Médicis accouchement dans Google, vous pourrez trouver un article incroyable sur un descriptif de son accouchement, son dernier accouchement où elle était enceinte de jumeaux, et elle a eu une des premières césariennes, enfin c'est dégueulasse. La pauvre, il y en a un qui est mort à l'intérieur, ils l'ont tiré par le pied, enfin c'est horrible. Et donc, elle est aussi, Catherine de Médicis, elle est aussi accusée d'avoir une grande influence sur son fils Charles IX, qui aurait conduit au massacre de la Saint-Barthélemy. Mmh. Voilà, donc reine controversée. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Butch Cassidy, célèbre hors-la-loi, pilleur de banque et de train. Qui c'est qu'on a eu l'autre fois, là, comme... On a eu un petit conflit entre Billy the Kid, je crois, et je sais plus qui. Bah, il y avait Butch Cassidy aussi. Butch Cassidy. Et bah voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui à Butch. sinon, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Jacques Lacan. Voilà. S'il y a des Lacaniens parmi nous, envoyez vos messages et. Envoyez et dites-nous à quel point Freud est plus de la gueule. Ah. Alors sinon aujourd'hui, j'ai mis une petite gorgée de mon thé. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Samuel Beckett aussi. C'est également l'anniversaire de Le Clésio. Voilà. Aujourd'hui également l'anniversaire de Brigitte Macron. Qui se sent un peu à l'étroit en confinement, la pauvre. Il y a des sources qui disent ça, elle en a marre du confinement, c'est fatigant. Envoyez-lui des messages de soutien, surtout pour son anniversaire. Alors on comprend, on embrasse tous nos Parisiens qui doivent vivre malheureusement que dans 500-600 mètres carrés, on sait que le confinement est dur pour eux dans ces moments-là. Mais oui, et puis en plus, je veux dire, tu te rends compte, quoi, son mari, il fait une allocution télévisuelle ce soir alors que c'est son anniversaire, quoi. Bah ouais, et qui c'est qui va encore faire la bouffe? C'est Brigitte. Bah ouais. Super. Alors que c'est son anniv, quoi. Super, merci Manu. Il y en a que pour la France Brigitte. Avec lui. Hein. Brigitte. On parlait de private joke là, pour le coup c'est juste pour nous deux. Et aujourd'hui il y a deux autres anniversaires où on va vous passer les chansons. On va commencer par lequel? Moi je suis parti pour la bonne humeur, la joie soleil. De vivre partagée. Et bien aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lou Béga. Qu'est-ce qui devient Lou Béga d'ailleurs? Que devient-il? Tweetez-nous. Hashtag que devient Lou Béga. On va faire les recherches pendant le morceau et puis on va s'enquérir de la vie de Lou Béga. On écoute un tube pas et du on tout essaye de rappeler Doug peut-être, oui. Hein, entre temps, peut-être qu'il s'est réveillé, Inch'Allah. Allez, ça part. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In

Marsupilami, la série animée, la chanson qui fait Ouba Ouba, c'est lui, la Marsupilami. Putain, c'est pas lui qui chante? Non, c'est pas lui qui chante, mais il l'a composé. Eh ben, est-ce que vous pouvez vous présenter maintenant que vous avez étalé votre science, cher invité? Bonjour, c'est Léo Boito. Bonjour Léo Boito, comment va-t-il? C'est petit alcoolique anonyme ce matin à 10h, de 10h à 11h. C'est quoi? C'est les alcooliques anonymes. Bonjour, je suis Léo Boito, j'ai pas touché une goutte d'alcool depuis le début du confinement. Bonjour Léo Boito. Vous nous appelez d'où? Comment? Vous nous appelez d'où Léo? Eh bien, toujours de Montpellier, pas bougé. Ah, oui. Toujours avec votre zouze? Toujours avec ma zouze, en direct du sud de la France, où le temps est enfin en train de faire la gueule et il fait froid. Ah mmh, bah c'est un peu pareil, il fait pas très beau non plus, c'est très gris là. Hein. C'est très très gris, il y a eu de l'orage hier. Bah nous on va avoir de l'orage fin de semaine, écoutez. Ah là là. Alors Léo, moi je voulais savoir, est-ce que votre morning routine est devenue différente depuis le confinement et quelle est votre morning routine? Ma morning routine elle est assez simple, je me fais réveiller tous les matins par mon amoureuse qui va se mettre à travailler sur son mémoire. Moi je me lève, je fais du café, généralement je fume une clope, et puis j'ai toujours une petite heure tranquille où je me pose un peu à lire un livre ou quoi que ce soit. Et puis là depuis quelques jours s'est ajouté à ma morning routine une petite session sport abdos. Et je commence à souffrir déjà physiquement après seulement 2 jours, ce qui est un très mauvais signe de mon état physique général. Mais ça va, on va mieux, et puis voilà, on essaie un peu de s'occuper. Très bien. Et alors le matin, vous êtes team petit déjeuner ou team pas de petit déjeuner? Juste moi, un café, c'est bon? Mon petit déj, c'est un café. On a l'habitude, nous, le dimanche, de faire brunch, tous les dimanches. Ah waouh. Gros brunch à mer, là par exemple... Hier, on avait croissants, charcuterie, œufs brouillés, plein de fruits. Des fois, on fait des patates au four, genre des patates sourires ou des patates dauphines. Mais c'est une bonne idée, ça, on devrait faire des brunchs, nous. Ouais, bah pendant la matinale. Écoutez, on fera une matinale, venez petit déjeuner avec nous. Donc, ça va être dégueulasse, vous allez nous entendre mâcher. Bah moi, rôter, surtout beaucoup. Hein. Autant quand c'est après le petit-déj, j'arrive à roter les moments où on met des morceaux, mais si on mange en même temps, ça va être horrible pour les auditeurs. Alors, il y a Madame Mona qui demande comment on peut être sûr que c'est bien Léo Boito et pas votre comédien. Il faut nous donner une information que seul Léo Boito sait sur Léo Boito. Écoutez, je suis né un 2 mars 95. Je suis un des bons cons originels. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour prouver qui quel je est suis. Votre votre signe astrologique et quel est votre ascendant s'il vous plaît. Je suis poisson, ascendant poisson. Voilà, il y a que Léo Boito qui pouvait savoir ça, ce qu'il a besoin de savoir son heure de naissance. Tout à fait, je suis né à 17h. Oh. Et ouais. Vous êtes venu dans l'après-midi. Alors, mon cher Léo, comment occupez-vous vos journées pendant ce confinement? Est-ce que nos auditeurs peut-être le savent déjà, vous êtes un amateur de nature et surtout de petits oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les oiseaux qu'on entend actuellement derrière nous? Alors, moi je les entends pas hyper bien à travers le téléphone, mais j'imagine, vu la période de l'année, qu'on va être sur les oiseaux de jardin classiques, à savoir mésanges, pinsons, fauvettes, peut-être... Avez-vous la chance d'avoir déjà vu des hirondelles qui sont en train de revenir d'Afrique? Mais je conseille à tout le monde, s'il veut avoir des infos sur les oiseaux, d'écouter ma chronique 30 000 cons d'amis, qui est dans les archives de la radio des bons cons, et le dernier épisode parle exclusivement des oiseaux du jardin, et vous avez droit en plus aux cris des oiseaux qui sont enregistrés dans cet épisode. Ah, ouais. Ah putain, moi ça m'intéresse de ouf. Alors, en plus, savez-vous, peut-être le sachiez-vous, mais également dans notre jardin, nous avons un coucou. Oh. Et donc, voilà, on a tenté de mettre une pièce dans... Enfin, moi, j'ai tenté de mettre une pièce dans ma poche pour entendre le coucou, mais non. Ça alors, le coucou est une sale pute, puisque le coucou vole le nid des autres oiseaux. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit, ouais. Mais à part ça, c'est un oiseau assez tranquille. Finalement, c'est un peu la rape des oiseaux, quoi. On peut dire ça, et en même temps, la pique a la réputation de voler et d'aussi être considérée comme la rape des oiseaux, mais je veux pas m'engager dans ce genre de discussion. Ah. Merci d'ouvrir un peu mon champ des possibles. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de vos familles, de votre famille, puisque vous êtes très très loin actuellement là, de votre famille? Tout à fait, moi je suis à l'autre bout, diagonaliquement parlant, de la France, et j'ai aussi un bout de ma famille qui est en Colombie, donc là on est encore plus loin, qui doit dormir à l'heure actuelle, donc je fais des bisous à Olympe, qui s'est installée dans une maison en haut d'une montagne, qui avec son chéri et un pote à eux. Ça a l'air de très bien se passer, sauf que eux, je pense qu'ils ont un ennui plus profond à combattre, puisqu'ils sont dans un endroit où il n'y a même pas de livre. Et je pense qu'au niveau connexion, écran, c'est aussi très limité. Donc je refais un gros bisou, et j'espère qu'ils vont tenir assez longtemps et que ça va bien se passer. Et puis le reste de ma famille, qui est donc à Pouillé-les-Coteaux, à petite bourgade du 44, premier village FM de Loire-Atlantique. C'est un peu tout ce qu'on peut dire culturellement sur Pouillé-les-Coteaux, donc c'est un peu triste. Ils sont donc ma mère, mon frère et Alia, la copine de mon frère. Ça a l'air de très bien se passer. Des infos que j'ai eues, on est sur des moments bouffe assez agréables. On est sur un endroit perdu dans la campagne, donc des balades assez tranquilles. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça a l'air de faire du bricolage, de s'occuper du jardin, de boire beaucoup. On m'a dit 2 bouteilles de vin par apéro. Bon, j'espère que je vais pas rentrer dans le. Ce serait pas un petit peu une bande de soulards, ces gens? Bah, on s'appelle Boiteau. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Alors, on a une question de Madame Mona qui demande: Léo, à quoi ressemblerait votre paradis? Waouh! Il y aurait des oiseaux, mais ils seraient gentils et ils pourraient parler. Et il y aurait les copains, et il y aurait mon chien, et il y aurait une plage, et il y aurait des ressources à volonté en termes de nourriture et de boissons, et il y aurait de la musique. Il y aurait la radio des bons cons qui tournerait en fond. Super! J'avoue, c'est un beau programme. Voilà! Il y a Jean-Jean qui nous demande: est-ce qu'il est né le 2 mars? Tout à fait, le 2 du mois de mars, 02-03-95, voilà, quoi dire de plus sur le 2 mars, c'est une date à somme toute basique. Est-ce que vous auriez de la culture à recommander pendant cette période de confinement? Peut-être un film, un livre, une BD, je ne sais pas, ce que vous voulez? Écoutez, moi en série en ce moment, je dévore dès que ça sort la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, qui est une série que voilà, je conseille à tout le monde, qui me fait beaucoup rire. Netflix a sorti Community, qui est une série que j'avais vue il y a très longtemps, que je suis en train de reprendre, que j'aime beaucoup aussi. Là, en termes de film, moi, en ce moment, on n'est pas sur des trucs ouf. Hein. Les derniers jours, on a maté Les Narnia et Camp Rock. Camp Rock? Alors, j'ai fait le début de Camp Rock avec les deux personnes avec qui je suis confiné, et puis au bout de 10 minutes, j'ai très vite compris que ça allait pas me faire vibrer plus que ça. Oui. Et on est quand même sur des trucs très très gnangnang, quoi. Bah, c'est pas le truc avec les Jonas Brothers? Si, exactement. Oh mon dieu. Quelle horreur. Donc, vous ne recommandez pas Camp Rock? Bah, si vous aimez les Jonas Brothers et Demi Lovato, je peux conseiller Camp Rock. Mais si vous avez du goût, non, je ne vous le conseille pas. Oh, waouh. Et si vous aviez un pays à nous recommander, ce serait quoi? Waouh. Puisque vous êtes un citoyen du monde, Léo. Bah, ça dépend ce que vous cherchez, en fait. Si vous cherchez des paysages de fous, moi, je conseille souvent les pays qui sont plus montagneux, hein, parce qu'au niveau rando, on a des trucs de ouf. Petite pensée pour le Népal, qui m'avait vraiment marqué à ce niveau-là. Mais sinon, je sais qu'il y a aussi des gens qui voyagent pour le côté culinaire. Auquel cas, moi, là où j'ai le mieux bouffé au monde, c'est en Grèce. Mais je sais que des pays comme le Japon, par exemple, niveau bouffe, sont assez ouf aussi. Voilà. Si vous aimez le froid, le Canada, le Québec, c'est très très bien. En plus, les gens sont très très gentils. J'ai fait les États-Unis, mais non, voilà, j'ai pas plus de conseils à donner. Si vous avez des sous et que c'est un rêve de gosse, allez-y. Moi, j'ai eu la chance de conduire une voiture sur le Golden Gate Bridge. Ça, c'était un peu le petit rêve d'enfant, quoi. Mais voilà. Alors, je suis un peu choquée, déçue que vous parliez pas d'Italie. matin, ils vont tourner culinairement sur les trucs de fou, historiquement sur les trucs de fou. Avec Chloé, on peut vous conseiller un restaurant de sushi où vous allez sortir en roulant. voilà. Mais l'Italie, en ce moment, je ne conseille pas, hein, ils sont un peu comme nous. Oui, on ne conseille pas du tout. On s'écoute un petit morceau et puis on va revenir vers vous juste après, Léo. Très bien. Alors, on va s'écouter un Philippe Catherine, mais pas le même que d'habitude, vu que c'était l'anniversaire de Jeanne Balibar aujourd'hui, qui est son ex-compagne. On va s'écouter un duo qu'ils ont réalisé ensemble sur l'album Philippe Catherine, sorti en 2010. Ça s'appelle « J'aime tes fesses ». De circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard, comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit... Un jour, vous êtes toujours en direct sur la radio des bons cons pour la matinale. Nous sommes toujours avec les Boiteaux et Clément. Bonjour. Alors, il y a Jean-Jean qui nous demande votre repas préféré. Les pâtes à la Santa Bocca. C'est des pâtes avec une sauce dans laquelle il y a des morceaux de veau avec du jambon de Parme et des feuilles de sauge. Voilà, c'est trop bon. Il y a Hibervixifon qui nous demande, et du coup, plutôt quand ou plutôt rock? plutôt rock, mais je tiens à dire que dans Camp Rock, il n'y a pas de rock, il y a de la pop, voilà. Il y a votre zouze hein, qui tenait à préciser, je retrouve le message, elle nous a dit que en gros, t'avais chanté, vous aviez chanté la dernière chanson avec elle et que vous la connaissiez par cœur. Alors par cœur, je connaissais le refrain parce qu'à un moment donné, j'étais adolescent et que j'étais entouré par des personnes type Ophélie Soulard qui était fan d'High School Musical et que pour ma culture générale, je voulais pousser plus loin. Et du coup, j'ai regardé Camp Rock. J'ai retenu la chanson parce qu'elle reste en tête. C'est un peu bas de se cacher derrière l'effet de groupe quand même, moi c'est je dis. Bah, je trouve ça nul de me pointer du doigt sur des choses dont je suis pas vraiment responsable parce que c'est vraiment la faute du groupe. Bien répondu. Bah écoutez, merci Léo. Je sais pas, y a pas si d'autres vous questions avez... Bah non, les gens ne posent pas de questions. Tizi, bah si, voilà, maintenant que je dis il n'y a pas d'autres questions, les gens sont en train d'écrire. Ça va, vous? Ça va. Je ne sais pas si la question m'est adressée, mais ça va. Comment, un petit conseil peut-être, quand on a des grands moments de frustration, comme ça peut arriver en confinement, comment vous, c'est quoi votre exutoire? C'est quoi votre technique pour péter un plomb, pour tout lâcher, là? Alors, moi, ça va être prendre une douche. Ok. On est sur quelle température? Mais j'ai pas encore eu de moment gros pétage de plomb pour l'instant, donc ça va. Parce que sur la douche, il faut chanter à tue-tête, il faut se chaud, il faut du froid, il faut... Ouais. Chanter à tue-tête, moi je mets l'eau très chaude, comme ça il y a plein de buées. Okay. Et après je chante, je mets de la musique. En fait, je mets des musiques que j'ai pas le droit de mettre d'habitude, parce que comme on est en coloc à 3, il y a des morceaux où on me dit « Ah non, ça c'est pas, on n'aime pas, hein. » Et du coup, quand je suis sous la douche, je mets du gros rock bien dégueulasse et je m'amuse. Alors, qu'est-ce que vous... Un petit avant-goût, un petit morceau que vous pouvez nous lâcher comme ça que vous écoutez sous la douche. Écoutez, en ce moment, alors il faut que je retrouve parce que je suis pas bien bien sûr du nom du groupe, mais ce message s'adressera aux fans de catch de la WWE. Sachez que l'ancien catcheur, enfin, toujours actuel catcheur, Chris Jericho, a un groupe qui s'appelle Fozzy, et il fait du rock. Et je propose le son Judas de Fozzy, qui est assez marrant. Très bien, et ben on essaiera voir si ça nous enlève cette petite boule dans le ventre. Alors il y a Jean-Jean qui nous précise qu'elle n'a jamais regardé Camp Rock, Ophélie. Ouh, et vous ben, êtes complètement si lâché. Si elle à mettre dans Disney+, elle pourra regarder Camp Rock, Anna Montana et Phénomène Raven. Aïe. Oh mon dieu. Phénomène Raven, ça c'est ma génération par contre, je suis désolée. Moi les autres, mais Phénomène Raven, mon dieu, oui. Il y a Jean-Jean qui demande comment va votre transit. Moi j'ai eu un début de confinement avec un transit un peu bloqué, mais depuis quelques semaines ça coule de source. Ouais, c'est bien. Il faut se libérer un moment, de toute façon, il faut passer le cap. Hein. Merci Léo Boiteau d'avoir été avec nous pour cette matinale. C'était un super plaisir. Bah écoutez, quand vous voulez, vous revenez, vous êtes ici chez vous, hein, entre Soulard, entre Boiteau. Bah écoutez, de toute façon, je sais très bien quand je me réveille le matin et que j'ai reçu un texto et un message sur Messenger que je suis avec Chloé Soulard qui cherche quelqu'un pour passer dans cette radio. Bah ça ne l'indique pas qu'on n'avait pas trop préparé. On avait oublié qu'il fallait... Enfin, j'avais un peu oublié qu'il fallait un invité. Voilà. Je suis désolée. Ça fait toujours un plaisir d'être avec vous. Et vu que vous m'aviez dit que vous étiez chaud... Ah oui, tout le temps, moi. J'aime bien passer à la radio. Vous êtes le bienvenu. Et excusez-moi, j'espère que vous avez rajouté sur votre CV que vous êtes le sosie officiel de David Marseille du Palma Show. Bah écoutez, pour l'instant, le CV il a été rangé, hein, mais ça pourra être ajouté. Tout à fait. Je vais mettre ma photo dans un coin et la photo de David Marseille dans l'autre. C'est une bonne idée. Eh bien écoutez, nous vous remercions, Léo, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Des bisous. Ouais, bonne journée. Des gros bisous. Et puis ben, on va parler musique aujourd'hui, encore une fois, encore et toujours. Alors, je voulais pas parler d'artistes en particulier cette fois, je voulais parler un petit peu des petites techniques de production, de comment on fait un disque, comment on le fait sonner dans telle ou telle direction, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui apporte telle ou telle petite vibe. Et du coup, j'ai choisi trois titres qui, chacun apporte des petites innovations, ou en tout cas des petites marques de fabrique. Si c'est pas des innovations, mais en tout cas représentatif d'un style de musique, et je voulais vous en parler parce que je sais que Bah alors moi je suis musicien, donc quand j'écoute de la musique, je fais un peu mon geek et je fais un peu mon obsessionnel sur ah bah ça, il y a tel effet, il y a ça, ça. Puis quand on en parle entre musiciens, on parle de geek matos. C'est peut-être pas le cas de tout le monde et du coup, j'avais envie d'en parler pour essayer de vous faire entendre la musique différemment, de voir un peu des choses qu'on prend pour acquis en tant qu'auditeur. Et on va commencer par Joy Division avec un morceau She's Lost Control. Qui vient de l'album Unknown Pleasure. Alors il a été, faut savoir que le groupe était assez inexpérimenté quand ils ont enregistré, donc ils avaient composé leurs morceaux, mais ils savaient pas où ils allaient mettre les pieds en termes de production. Et un producteur, c'est quelqu'un qui donne vraiment la patte d'un album, d'un morceau. Il y a des producteurs de ouf, hein. Il y a Brian Eno par exemple. Pour les Beatles, c'est Martin, je sais plus son prénom, mais il s'appelle Martin, c'est son de famille, c'est Martin, voilà, qui a bossé avec eux sur tout le long. On parlait de Josh Homme avec l'Arctic Monkeys, mais les Arctic Monkeys, ils sont surtout suivis par James Ford depuis le début. Voilà, il y a des gens comme ça qu'on voit jamais, hein, que quand on écoute les morceaux à la radio, on n'en entend pas forcément parler, et pourtant, sans eux, bah, les groupes, ils auraient pas sorti des produits, des œuvres aussi abouties. Moi j'ai eu l'idée de vous parler de ça parce que hier soir je me suis maté cette série de micro-documentaires sur l'album Wolfgang Amadeus de Phoenix, qui est produit par Philippe Zdar, hein, qui est décédé l'année dernière d'ailleurs, qui est un super producteur de French Touch française. C'était à la moitié du duo de Cassius et il a produit pas mal de trucs, hein, The Rapture, il a bossé avec Tudor Cinema Club aussi. De manière générale, c'est plutôt un mec qui fait d'électro, qui a bossé plutôt pour des mecs de chez Headbanger, c'est un super DJ. Et il a un énorme studio à Paris, alors j'oublie à chaque fois le nom de son studio, alors que c'est Motorbass, voilà. Il y a plein de documentaires sur Arte de tel groupe ou tel groupe qui enregistre à Motorbass. Et Phoenix, ils ont bossé sur leur premier album United avec lui et sur Wolfgang Amadeus, à chaque fois dans le studio Motorbass. Et du coup, en fait, si ça vous intéresse, hein, vous avez sur YouTube, vous tapez Zdar, S-D-A-R, qui est le surnom de ce producteur-là, et Phoenix, et vous avez en fait morceau par morceau Zdar qui parle de l'enregistrement de ces morceaux-là de Phoenix. C'est hyper intéressant si vous voulez vous plonger un peu plus dans le processus processus de création d'un album, voilà. Et donc il y a des mecs comme ça qui de temps en temps filent des coups de main et apportent une sacrée patte. Donc Martin Arnett, clairement, il a changé complètement la vie de Joy Division parce qu'il ne savait pas, ils n'étaient pas très calés niveau son. Hein. De leur propre aveu d'ailleurs, leur bassiste a dit qu'il avait jamais entendu les paroles jusqu'à enregistrer leur premier album parce qu'en fait en concert ils jouaient toujours trop fort. Donc pour vous dire un petit peu le niveau de... Le niveau un petit peu de leur intérêt dans la production, tout ça. Donc ça peut paraître anodin parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'expérimentations sonores, mais ce mec-là les a emmenés dans des directions assez barrées. Il a enregistré des batteries électroniques, il a utilisé des exporteurs, des machines électroniques qu'on n'utilisait pas trop à la base, et il a fait beaucoup d'enregistrements de sons sauvages par-ci par-là, passés dans tel effet, dans telle boucle d'effets. Et notamment vraiment dans l'enregistrement de la batterie, il a vraiment changé la donne et il a ouvert la porte à tout ce qui se fait aujourd'hui dans le post-punk, dans le rock, pour les trucs strokesiens, pour métronomie, enfin tout ce que vous écoutez aujourd'hui, ils doivent beaucoup à cet album Non Pleasure en termes d'enregistrement. Et dans She's Lost Control, on a par exemple des sons de batterie qui sont pas faits avec de la batterie, hein. On a le petit tchik qui est normalement fait au charlet de la batterie, vous savez, cette petite cymbale, double cymbale qui s'ouvre et qui se ferme, et ben là c'est simplement fait avec un spray désodorisant. Je vous laisse écouter, ça marche super bien, c'est assez efficace. On n'est pas sur une batterie électronique non plus, mais on a trouvé des petits objets du quotidien, des petits sons par-ci par-là, quelques pads quand même électroniques malgré tout, et ça donne un truc hyper original. Donc on s'écoute She's Lost Control de Joy Division. said I lost control again. Axis screamed out, kicking on his side, and said I lost control again. And she's upon the floor, I thought she died. She said I lost control. She's lost control again. She's lost control. She's lost control again. She's lost control. Et donc c'était She's Lost Control de Joy Division avec donc ces petites expérimentations de batterie qui ont mené la voix à plein d'excentricité aujourd'hui. Hein. Je vais passer à un autre petit tricks de production. Donc c'est un morceau plus récent que le suivant, mais les techniques sont assez old school. J'ai déjà parlé de Tame Impala et je voulais vous parler d'un petit effet qu'on retrouve beaucoup dans le rock psyché. Ça s'appelle le phaser. Alors le phaser, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce d'effet qui fait... Ou en fait, c'est la phase d'un son, de manière générale, c'est de la physique. On a Doug avec nous, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu, ingénieur. Déjà, on vous salue. Ouais, attends, comme ça, au réveil, je dois expliquer. Vous devez rentabiliser de ouf le temps de participation sur cette émission-là, il faut optimiser. D'accord, en fait, c'est du décalage de phase, du coup, c'est un peu comme si vous enregistriez deux fois votre voix, et vous décaliez votre voix. Et du coup, ça fait un peu une voix de méchant dans le Power Rangers. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, c'est ça. C'est exactement ça, c'est doubler votre signal, décaler un peu, ce qui fait que les pics vont se synchroniser, vont s'annuler. Et on a un truc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait... C'est comment ça s'appelle ? Un phaser. Un Brendan phaser. D'accord, donc en fait, vous me faites répéter juste pour placer votre blague, c'était ça l'idée, quoi. J'étais pas sûre que c'était ça. Et du coup, je me suis dit, je la place maintenant, sinon je pourrais jamais la placer. Mais en double, vous parlez de la voix de méchant dans les Power Rangers, et c'est marrant parce que c'est cet effet qui a été utilisé, par exemple, pour faire la voix de C-3PO dans Star Wars, petit fun fact. Donc, vous n'êtes pas très loin de la vérité. Est-ce que C-3PO est un méchant de Power Rangers? Vous avez 4 parts. c'est fort probable. Dans un spin-off un peu chelou qu'on n'aurait pas encore vu. C'est ce qu'on peut retrouver sur des guitares. C'est des effets pling-floodiens dans la musique psychédélique, on le retrouve à fond. Sur les guitares du morceau dont on va entendre, dès le début, vous entendez un gros phaser. Là, vous verrez cette espèce de souffle. Placé sur les batteries, c'est assez intéressant aussi. On l'entend particulièrement sur les cymbales. Ça fait des espèces de pics d'aigus et de graves. Ça joue sur les fréquences tel un filtre. Bon, si ça paraît technique et que vous ne comprenez pas tout, je vais directement vous mettre le morceau pour que vous vous laissiez porter. Donc ça donne cet effet un petit peu de vague, hein, de vague sonore, de truc qui vous emporte, qui vous fait planer. Si vous venez de prendre votre petit buvard ou de commencer votre journée avec un petit pétard, bah c'est aussi cet effet-là qui peut vous faire partir et vous faire voyager. Comme si le vent vous soufflait dessus et vous transportait je ne sais où. Hein, vous choisissez la destination, c'est vous qui vous droguez au petit-déj après tout, donc démerdez-vous. Et on s'écoute tout de suite Endors-toi de Tame Impala. Donc écoutez bien cette petite guitare dès le début, vous entendrez ce son reconnaissable d'entre tous. C'était Endors-toi de Tame Impala, donc vous aviez du gros phaser, et à la fin, pour ceux qui ont tendu l'oreille, qui arrivent un peu à détecter le truc, on avait aussi sur la batterie, on entend particulièrement ça dans les aigus des cymbales. Il y avait également un autre effet que, bon, bah là, on retrouve partout dans toute la production, parce que c'est quelque chose qui nous permet de traiter le son pour le rendre plus homogène, c'est les compresseurs. Alors le compresseur, qu'est-ce que c'est? Bah tout simplement, comme ça, là, on l'indique, ça compresse le son. En fait, ça permet de couper les crêtes, les espèces de pics de son pour les diminuer, tandis que ce qui est pas tellement, ce qui est un peu moins fort va être relevé. En fait, quand vous avez un son, vous avez des espèces de montagnes russes en courbe, et quand vous compressez, vous essayez de plus en plus de faire un espèce de gros bloc. De manière, c'est ça, quand on a des pics sonores trop violents, on les diminue à hauteur du signal normal, du volume normal, pour avoir un truc plus homogène. C'est ce qu'il y a par exemple sur la batterie de Tame Impala, ce qui fait qu'en fait on entend tout de manière égale, mais par contre si d'un coup on n'entend pas la grosse caisse, pas la snare, et il y a un coup de charlet là, de cette petite cymbale tout seul, et ben d'un coup elle va sonner hyper forte, tandis que si le batteur tape dessus en même temps qu'un autre instrument, genre une partie de sa batterie, la grosse caisse ou la batterie, on l'entendra beaucoup moins fort. Donc ça fait voilà, ce qui fait que ton son de batterie, c'est un seul gros bloc, peu importe ce que tu joues, il va ressortir au même volume. Et il y a un truc... C'est pour ça aussi que les pubs à la radio, par exemple, sont hyper fortes par rapport au reste. Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que fait votre souvent les iPhones particulièrement ou des téléphones hyper modernes, ils compressent votre son hein, de manière à ce que on entende énormément votre voix et pas les bruits ambiants. Mais ce qui peut faire aussi également que quand vous parlez pas, bah la compression fait qu'elle va capter beaucoup plus de bruit extérieur et monter le volume. Donc là, d'un coup, on va entendre les oiseaux. Ce micro, il a une compression naturelle qui fait que quand on ferme un peu notre gueule, on entend davantage les oiseaux. Et particulièrement dans la musique moderne, ça se fait énormément aujourd'hui, il y a un type de compression qui est utilisé non-stop par tous les producteurs, particulièrement dans la musique pop électro, c'est le sidechain. Et le sidechain, c'est un truc très particulier, c'est une compression en des points donnés. Comment vous expliquer ça très clairement ? Eh ben, en général, c'est quand il y a un coup de grosse caisse, un kick, là, le pou, pou, pou, eh ben, on a un point de compression sur les autres pistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la grosse caisse joue, le reste du morceau va, le volume va se baisser pour laisser la place à la grosse caisse. Ça permet de faire respirer un mix, de pas avoir trop de trucs en même temps, et surtout ça donne cet effet un peu de en suivant le caisse, cette espèce de vague aussi. Le volume en fait de l'autre piste se baisse à chaque fois que le kick rentre, et le meilleur morceau que j'ai trouvé pour vous faire comprendre ce principe là, c'est Daft Punk One More Time. Donc ça, c'est un effet qui était utilisé à mort dans la French Touch, dans la house. Si vous écoutez de la house de manière générale, à chaque fois que la grosse caisse va sonner, le reste des instruments, notamment les synthés, des trucs plutôt aigus, vont baisser en volume. Et si vous vous concentrez uniquement sur la piste de synthé, où là c'est le petit sample, là, et ben vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un coup de grosse caisse, le volume se baisse et ça donne cet effet de... Et ça s'appelle un sidechain, c'est une compression... un point donné. Donc on va tenter de découvrir avec un exemple très concret ce que c'est. Donc on s'écoute One More Time de Daft Punk. Donc voilà, là on en abuse à fond. Hein. One more time. We're gonna celebrate one more time. celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Je vous le fais pour que ce soit pour que vous l'ayez bien en tête, voilà. Donc c'était One More Time de Daft Punk, le sidechain. Bah écoutez vos petits vos morceaux actuels, le pop, particulièrement ceux qui écoutent de la musique électronique, house, tout ça, vous verrez que du sidechain en veux-tu en voilà. Ça se met partout aujourd'hui, même dans la pop, quand on. Enfin voilà, c'est l'effet, l'effet qu'on retrouve le plus, je pense, dans les mixages aujourd'hui. Voilà, c'était la petite rubrique. La rubrique. Pff, ouais, je vais me coucher. C'est la rubrique musicale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne parleriez pas du On a un rêve. Attendez, peut-être. D'abord, on annonce pour qu'ils aillent sur le Facebook, ouais. Parce qu'à chaque fois, après, ça va. Non, mais je vais faire sur le Discord et tout. Donc, allez sur le post Facebook, le dernier. Qu'est-ce que c'est que ce post Facebook? Eh bien, c'est Léo Boiteau. Notre invité de ce matin, c'est lui. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, préparez-vous à commenter. On va vous lire un petit rêve et puis après, bah, on va vous parler de, septième art, comme d'hab. Exactement. Alors, Doug, vous êtes toujours là? Oui. Ah, non, petit coup de pression. On a eu peur, je vous entendais plus. Alors, c'est Jean-Jean qui nous partage ce rêve qu'elle a fait samedi. Elle nous dit. C'est le week-end. Alors oui, bon, bref. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais sur une plage avec Julien, et c'était une plage cinéma. C'est-à-dire que la plage avait plusieurs salles, comme un cinéma, pour assister à différentes projections. Mais chaque salle était au bord de la mer et en plein air. Et donc, avec Julien, on était venu voir un film réalisé par un petit réalisateur suédois. On est parti en cours de séance pour acheter des places pour la même séance. Mais là, je me suis retrouvée avec Louison, Cola et Typhon à vouloir assister à cette séance et Julien n'était plus là. Alors, nous sommes retournés chercher la salle sur la plage pour assister à la séance. C'était la salle 12. Mais on a fait toute la plage et on n'a pas trouvé. Il commençait à y avoir beaucoup de monde et pas mal d'enfants qui étaient extrêmement malpolis et honnêtes. Ils insultaient les gens de gros. À un moment, avec Louison, on a essayé de voler un objet de grande valeur à un enfant, mais sa mère est arrivée. Ensuite, on a voulu partir. Il fallait donc se retaper toute la plage. Et il y avait encore plus de monde, alors on était un peu emporté par la foule. À un moment, il y avait même des tunnels, et je me suis retrouvée dans un tunnel, et Cola, Louison et Typhon dans un autre. Voilà. Alors moi, j'ai peut-être une analyse pour le chiffre 12. Hein. Vous parlez de la salle... numéro 12, je pense que vous étiez trop préoccupé par les anniversaires de plusieurs bons cons qui avaient lieu le 12. Voilà, je pense que c'est votre inconscient hein, qui vous a amené ce chiffre en salle de cinéma. Voilà, ça c'est déjà mon interprétation. Deuxièmement, peut-être que vous avez envie d'aller au cinéma, dans les salles obscures. Eh ben, si vous voulez aller au cinéma, petite info hein, pour ceux qui sont habitués des cinémas nantais, il y a le cinématographe qui met à dispo des films hein, que vous pouvez louer pour 4 balles. C'est le prix d'une place pour le cinématographe qui a un tout petit cinéma associatif qui galère niveau thunes. Donc plutôt que de vous abonner à Disney Plus ou tous ces trucs de rapia là, filez un petit 4 balles au cinématographe et matez-vous un bon classique. Donc peut-être que ça peut être une solution, Jean-Jean. Exactement. Doug ? Je suis en train d'analyser, mais il n'y a rien qui vient là. Vous seriez un excellent psy. Ah non, mais là, c'est... Exactement. Là, c'est trop, j'ai rien. Ouais. Il me faut 4 séances pour que je puisse sortir un mot. Et ça fait 400 balles. Est-ce que... Alors, on a des questions, là. Est-ce que c'était la plage de Dunkerque? Est-ce que l'objet de grande valeur, c'était des bottines Chanel? Je ne sais pas. Jean-Jean va nous dire. Sinon, Hubert Félix Siffon nous dit « Super chronique, Kéman, c'est toujours aussi satisfaisant. » C'est moi, j'étais sur le titre de Mona. Il faut nous dire la phrase qu'on a... qui était avec ambiguïté sexuelle, parce que du coup, vu qu'on a 30 secondes de décalage, Madame Mona, on ne sait pas à quoi vous faites référence quand vous nous dites titre. Ouais, je pense que c'était juste le « y a rien qui vient ». Ok, pas mal, effectivement. Ou alors, c'est où, that's what she said. Oui, alors le titre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version des faibles pour dire « that's what she said », en fait. Quand on dit une phrase à ambiguïté sexuelle, on se permet un petit, on dit... Non, je suis pas d'accord, parce que je trouve que les titres sont vraiment différents du « That's what she said ». Parce que ça veut vraiment être un titre de boulard. Ça, la différence. Ok. Tu vois, pour moi, il y a vraiment deux blagues. Je suis en train d'analyser là, mais il n'y a rien qui vient. Et ben, ça serait plus un « That's what she said » qu'un titre. Tu vois. C'est vrai. Alors Jean-Jean nous dit que ce n'était pas Dunkerque et l'objet elle ne sait plus, c'est frustrant. Et bah oui, mais en même temps vous faites des rêves qui se passe plein de choses dedans, je suis désolée. Et pourquoi vous voulez, pourquoi un enfant, pourquoi vous vouliez un enfant? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, pourquoi peut-être ce côté vous malveillant êtes... de vous là? Peut-être que vous avez envie de retourner en enfance et que vous êtes jaloux des enfants. Car vous avez envie de retourner en enfance, vous avez envie de régresser. Moi j'ai une vraie question, c'est pourquoi le réalisateur était suédois? Oui. C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Très pertinent. C'est dans les détails. Je pense que c'est la clé du mystère. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la Suède, Jean-Jean, les Chris Prolls, Zlatan Ibrahimovic? Peut-être que c'est parce qu'elle a été en Finlande et qu'elle aimait bien la Finlande et que c'est bon, un pays nordique qui est sorti comme ça. Ah ouais, donc on est sur des raccourcis de... voilà, carrément, quoi. Bah écoutez, oui, hein... Corolla nous dit « Bonjour, trop content de me réveiller et d'entendre un rêve ». Bah oui, mais aidez-nous à l'analyser. C'est les gosses des voisins qui vous saoulent trop. Ah, c'est possible. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être les gosses des voisins qui vous saoulent. En tout cas, le chiffre 12, c'est l'été des anniversaires. C'était pas ta guerre, c'était pas ton père. C'était pas le moment pour me faire rire. Ah, ça, c'est le problème de la clope avant l'émission, hein. Eh bien écoutez, on va peut-être passer au film maintenant. Je suis désolée, hein, Jean-Jean, mais votre rêve... Il faut séquencer, hein. Mais oui. C'est votre inconscient, étouffe, étouffe, flamme. Il veut vous dire beaucoup de choses en même temps. Faut lui apprendre un petit peu à segmenter ou en tout cas à hiérarchiser les infos. Hein. C'est vrai. Doug, vous êtes d'un coup, on vous en a trop demandé tout à l'heure de nous parler de... On vous a cramé avec la physique, là. De Fraser et tout ça. Voilà, franchement, ma capacité d'analyse de rêve est complètement nulle. C'est une énigme pour moi. C'est vrai. C'est une énigme pour nous également. Je suis allé en Suède également. Alors? Ah bah j'en sais rien, moi. Je suis pas chirurgiste, hein. On n'a pas toutes les refs. Mais alors, donc là, vous êtes allé en Suède. Donc bon, déjà, ça s'explique. Hein. Du rêve. Oui. Et quand je perds tout le monde à la fin... dans vos tunnels, qu'est-ce que ça... Vous avez peur d'être seul. Vous vous raccrochez à des éléments qui sont importants pour vous, vos amis, votre famille. Là, en l'occurrence, vos amis. Et vous avez peur de les perdre. Mais... Ou peut-être qu'ils vous cassent les couilles et que vous aimeriez bien les semer un temps aussi, hein, j'ai envie de dire. Pour voilà... Le tunnel, ça représente le fondement, finalement, le fond du fond, l'intrinsèque. Vous avez peut-être envie parfois de vous retrouver seul avec vous-même et de prendre un peu de distance, de vous exprimer davantage en votre sein, en écoutant votre fort intérieur, peut-être. C'est vrai ça. Eh bien, écoutez, merci au Jean-Jean, a.k.a. Ophélie, pour ce rêve de grande qualité. N'hésitez pas à partager vous aussi vos rêves dans l'onglet « Rêve matinal ». Nous nous ferons un plaisir d'essayer d'analyser. Des fois, comme vous le voyez, c'est compliqué, mais nous ferons de notre mieux à chaque fois. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il est l'heure de notre grand jeu du film. Ouais. Tout à fait. Alors, j'espère que vous êtes tous branchés sur le Facebook de la Radio des Boncons, sous la photo de notre ami notre ami Léo Boiteau, qui est avec sa zouze juste derrière et qui fait une tête de cul. Et que vous êtes prêts à répondre à la question. On attend toujours la dédicace de Marcel Pagnol qui a gagné vendredi. Et en attendant, écoutez Kéman, faites-nous rêver, j'ai envie de dire. Parlez-nous de 7ème art après ce magnifique rêve sur les plages, salles de cinéma. Ouais, bah voilà, très bien, très bon enchaînement. Alors du coup, hier j'ai vu un film. J'ai pas tout compris, hein. C'était une dystopie. Non, c'était même pas une dystopie, je dis ça en vrai. Mais c'était pas non plus. Ce serait. Ah, ça pourrait être vu comme une fresque sociale quand même, d'une certaine façon, ou en tout cas, peut-être un entre-deux peut-être, une fresque sociale dystopique, peut-être une projection futuriste, la peur de l'avenir, qu'est-ce qui pourrait se passer. Il y avait ce côté l'homme versus la machine, quoi, qui me faisait, mais si c'était un peu une fresque sociale, parce que tout le cinéma est une fresque sociale quand on le prend avec le biais de la lutte des classes. Non, on n'était pas vraiment sur la lutte des classes, mais peut-être qu'on peut y voir quelque chose, parce que dans les combats hommes versus la machine, il y a toujours une question capitaliste qui revient, finalement, j'ai envie de dire, dans quelle mesure on va être capable de produire des choses qui vont nous dépasser. C'est ce qui se passe avec le capitalisme, on produit toujours davantage sans réfléchir aux conséquences, sans voir plus loin. Donc là, il y a cette histoire, et en même temps, voilà. Donc, il y a cette machine qui prend le contrôle et qui va outrepasser l'humain à un moment. Il y a ce truc. Bon, de toute façon, clairement, la machine, à bout d'un moment, elle veut tuer. Hein. Je pense que ça, c'est. Je sais plus comment s'appelle ce paradoxe là. Enfin, cette espèce de théorie scientifique qui dit que, de toute façon, à force de créer des intelligences artificielles qui évoluent par elles-mêmes, on finit. Oh putain, la vache, ça mitraille. Et aucune bonne réponse pourtant, c'est dommage quand même. Hein. On se met dans le risque qu'à un moment l'intelligence artificielle dépasse l'être humain et elle nous trouve comme obsolète, parce que faut bien réaliser qu'à un moment, s'il y a une machine, elle est plus intelligente que nous, elle va peut-être se rendre compte de la vacuité de ce qu'on est. Non, c'est pas ça. On progresse, hein, mais continuez. El Machina, ouais, c'est un film sur un toréador qui attaque des robots taureaux, c'est quoi, Alors, il y a des belles propositions, c'est bien, je suis assez content parce que je vous embrouille. Mais il y a quand même ce côté un peu huis clos quand même, un peu à la huit femmes, mais voilà. Et il y a ces trucs, un peu à la huit femmes, hein, tout de suite, vous emballez pas, c'est une fausse piste, là, je vous embrouille. Du coup, il y a ce truc-là, et en même temps... Il y a ce truc très dépersonnalisé de la machine qui n'en est pas une, qui est plus juste une intelligence artificielle finalement, mais qui englobe toute une machine. Il y a quelque chose de ça. Et il y a aussi un face-à-face avec soi-même pour l'humain derrière ça, quoi. Après, quand il n'y a plus la machine, quand je ne peux plus faire confiance à la machine, qui suis-je? Et il y a ces scènes un peu barrées. Alors peut-être que j'aurais pas dû le regarder. Peut-être que j'aurais pas dû regarder un film un pétard. Peut-être, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a des trucs un peu chelous qui sont passés dans le film. J'ai pas tout compris. Il y a ces moments où il y a le mec qui se regarde en version vieux dans un plumard, dans une espèce de truc tout blanc, une pièce blanche là. On dirait une chambre d'hôpital. C'est flippant. Et puis il se fait happer par un truc. Dans le cosmos, c'est waouh. Donc il voit toute sa vie, il y a un truc super chelou, il y a de la musique classique en fond, c'est un peu flippant, et en même temps l'espèce de petit œil rouge qui le mate là, il s'appelle Al 3000, si je dis pas de conneries, le robot, quoi, c'est flippant. Il y a un truc introspectif et il y a un truc que, clairement, à un moment, j'ai pas compris, quoi, je veux pas vous mentir. Alors c'est beau, ça pète la gueule, quoi, c'est oh bah dis donc, y a personne qui trouve aujourd'hui, et si on peut. Alors quand il y a de la filmographie Alain Chabat, il y a du monde, mais quand on veut faire un peu du Stanley Kubrick, là il y a plus personne. C'est ça le délire. Mais ouais, non, bah voilà, musique classique, le mec se regarde vieillir dans son plumard pendant que lui il est debout, voilà, il y a un truc heureusement. Ce serait bien de quand même. Parce que là, je commence à pédaler, parce que en termes d'explication de ce film, déjà de base, pour des gens qui l'ont compris, il est pas compris. Alors pour des gens qui l'ont pas compris, voilà quoi. Donc ouais, bien joué, Ophélie Soukou. On a une autre réponse, mais par un médium qui est pas officiel, malheureusement. Mais c'était bien 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Si vous voulez, c'est un chef-d'œuvre, hein, du cinéma international. Et c'est un chef-d'œuvre de Kubrick. Il est méga barré. Mais franchement, c'est maintenant ou jamais. Hein. Si vous avez 2 heures devant vous, 2h30. Franchement, je suis trop contente que vous ayez galéré à trouver. C'était bien. Et ouais, c'est un super film. Il est complètement barré. Il est barge, mais c'est Kubrick. Hein. Kubrick, il est barge. Mais ouf, oufissime. Donc, bah, c'est Ophélie Soucault. On avait eu. Pirate. Ah, on a eu d'autres trucs. Voilà. Bah oui, le yo bravo, mais t'es un petit peu en retard, hein, Ophélie a trouvé avant, voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous perdre encore plus, j'avais pas du tout pensé, un peu à huis clos, un peu à huis femme, genre à chaque clos... Genre à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas Inception. Non, mais je voulais pas parler du monolithe, je me suis dit, ouais. Soit je vous embrouillais en essayant de faire partir sur Terminator, soit je vous essayais de faire partir sur la guerre du feu en parlant du monolithe au début, là, mais en fait, voilà. J'ai choisi Terminator. J'ai cru qu'à un moment donné, c'était Interstellar avec... ils se regardent, ils se voient. Ouais, mais oui. Non, mais c'est la scène... Mais bon, dans Interstellar, c'est l'un des seuls films de science-fiction où l'intelligence artificielle est gentille. Ouais. Tandis que là, là, c'est une pute, HAL 3000. Ouais. Déjà, HAL 3000, quoi. Rien que le nom. Ouais, ça fait un peu nom de frigo, déjà. Donc, je pense qu'en tant qu'intelligence artificielle, t'es un peu vexé, quoi. Alors du coup j'ai la dédicace de Marcette qui nous dit il nous dit je les aime tous mais j'en ai marre de jouer en deuxième division. Oh voilà, il se trouve trop fort pour vous, ça balance. Il faut quand même savoir que c'est le premier à avoir eu la réponse, hein, même s'il n'est pas passé par le médium légal, donc on peut pas, notre huissier de justice, Maître Canter, ne peut pas valider cette bonne réponse, mais il faut quand même savoir que c'est lui qui était le premier très à trouver. Ouais, très très fort, bravo. Jean-Jean, vous vouliez le regarder ce soir, et ben vous allez passer un bon moment, et vous allez aussi vous poser beaucoup de questions à la fin de ce film, je pense. Prévoyez un petit truc. Si vous vous posez des questions, eh ben allez lire le livre après. Il y a des réponses. C'est vrai. Ah ouais ? Mais c'est quoi ? C'est un livre de tournage ? Non, c'est... Non, c'est le livre dont est tiré... Le roman original. Ah, j'ai du mal à voir comment ça peut être un roman à la base, parce que c'est tellement un truc... Enfin, qui est cinématographiquement assez barré. J'ai trop de mal à apercevoir comment les effets doivent être essayés d'être reproduits littérairement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Merde, hein. Ouais, mais c'est comme La planète des singes de Pierre Boulle. Mmh. C'est très cinématographique, hein, comme histoire, mais le livre est encore plus détaillé. Et moi, je l'avais lu et j'avais été très content. Ah, bah très bien, bah merci. C'est une belle piste de lecture aussi, au passage. Voilà. En plus, le nom de l'auteur, c'est rigolo. Parce que c'est Pierre Boulle aussi, mais non. Si. Pour le 2001, l'Odyssée d'espace ? Non, pas pour 2001. 2001, je crois que c'est... Je crois que je regarde. Bon, eh ben, le temps que vous regardiez, on se fait un petit bisou. On se dit au revoir. Tout à fait. Doug, un petit mot ? Oui. Oui, profitez bien de ce jour férié pour profiter de chez vous, de votre maison, hein, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour faire ça. Passez une bonne journée. Et ben moi je voulais juste vous dire que dans un mois c'était mon anniversaire. Si vous voulez commencer à prévoir un truc, allez-y. Ok. Et voilà. on va y monter. Kéman. Oui. Un petit mot pour la fin. J'hésite entre bite ou juif. Alors c'était un livre de Arthur C. Clarke. Et ça s'appelle La Sentinelle. Voilà. Merci, on avait besoin d'une transition un peu sérieuse pour finir la radio sur quelque chose d'un peu plus... De moins violent, vous voulez dire, peut-être ? Bah, on m'a dit un mot, hein. Il n'y a pas de connotation, il n'y a rien derrière, moi c'est les premiers mots qui me viennent en tête comme ça. Hein. J'ai envie d'être une petite souris chez votre psy, ça doit être incroyable. Bah, il y a 3 suicides de psy en 5 ans, là, déjà. Oh voilà. Il y en a une qui a déménagé sans donner de nouvelles, qui a bloqué son numéro et tout. C'est pas simple, hein, d'avoir un psy quand on a ma densité intellectuelle. Oh mon dieu. Bon, eh ben... Sur ces belles paroles. On va se finir avec... avec Philippe Catherine, Francis et ses peintres, hein, une fois n'est pas coutume. Et on va s'écouter Catherine, c'est fini, parce que là, clairement... Catherine. Catherine, c'est fini. Catherine.